R-A-Y-Z aussi imprévisible que l'homme invisible. Ce que je dis ne sort pas de la Bible. Je suis plus du style Assassin's Creed, le type qui roule des bruits. Et ouais, je suis hostile, distille. Écoute si tu kiffes mon flow, j'ai le son costaud, j'enchaîne au micro. Sache que j'apporte les bonnes lyristes, un peu comme Jésus-Christ. Je rappe pour mon petit public et je nique le reste. Pétasse, tu veux taffe sur mon stick, ben lave-toi la bouche. Ici c'est l'MC le plus vrai du 7-1-0. Mon son je l'innova, n'entends pas l'ova. Tu connais ma réplique de ce rap ascétique où tout est lunatique. Quoi que tu fasses, faut te faire respecter. Sois toujours OP, rien ne vaut plus que le gain du respect. Espèce de taspé, je fais que le shit, moi je suis comme Totorina. Le pouvoir, mon signe de victoire, et je laisse les gens le vouloir. Toujours prêt à RPZ mon quartier, STR 7110, code 10 sur 10.